1, 12 installations technologiques gratuites et 4 nuits endiablées à la cuisine. Prépare-toi Québec, le Moi Multi éveille tes sens du 2 au 25 février. MoiMulti.org. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Au Moi Multi, Festival international d'art multidisciplinaire et électronique, le collectif LAS propose Onde, une performance sensible, véritable installation vivante qui entraîne le spectateur sur le chemin sinueux des idées, là où la création prend vie. Onde, du collectif LAS, est présenté un soir seulement le 10 février au studio d'essai de Méduse. Billets disponibles sur lepointdevente.com. La Bourse Rideau, le grand rendez-vous des professionnels des arts de la scène, aura lieu à Québec du 11 au 15 février. L'événement vous ouvre ses portes pour certains spectacles gratuits au Palais Montcalm, à l'Impérial Bell, au Grand Théâtre de Québec et à l'Air du Temps. Venez voir et entendre Elisapi, Kikuna, Caracol, Bougat, Florent Volant, Danny Placard, Nuages en pantalon, PPS Danse et plusieurs autres. Réservez vos places dès maintenant en vous rendant au billetterie des salles participantes. Consultez le site sur rideau-inc.qc.ca. À l'occasion du mois multi, CKRL présente le magazine en art visuel, l'aérospatial, en direct de la Ninkasi Saint-Jean, lieu de divertissement pour adultes. Eh bien, bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les ondes de CKRL, magazine radio sur les arts visuels, bien sûr. Audrey Caro en votre compagnie pour cette émission en sortie. Je suis accompagnée cette fois-ci de Jean-Tiane Lafrance. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonsoir, Audrey. Très contente de te retrouver à l'animation. On s'alterne de ce temps-là, donc on ne se voit pas beaucoup au micro. C'est ça. Donc, on est de retour en duo pour cette émission spéciale parce que, oui, vous pouvez peut-être le constater, nous sommes, oui, en sortie à la Ninkasi pour une émission spéciale Moi Multi. On avait envie, bien sûr, d'entrer dans la veine de ce très beau festival qui a lieu à tous les mois de février, à chaque année depuis bientôt. Ariane Plante, depuis combien de temps? 19 ans déjà. Ouais. Ben voilà. Alors, peut-être rappeler à nos auditeurs, hein, dire qu'est-ce que c'est le Moi Multi. Ben, c'est un festival d'art multidisciplinaire et électronique. Art multidisciplinaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'on peut voir plusieurs disciplines artistiques se rencontrer ensemble. Disons que les frontières sont très floues, hein, aussi. Poreuses, effectivement. Et bien sûr, beaucoup de technologies également au travers de tout ça. Donc, Jean-Tiane, je te laisse nous présenter notre co-animatrice spéciale pour cette émission. Oui, exact. Nous avons eu envie d'inviter Ariane Plante pour cette émission spéciale, pour nous accompagner tout au long de l'émission. Et nous allons avoir plusieurs invités qui vont venir parler de leur projet au micro. Donc, Ariane Plante, c'est la troisième année que tu es commissaire pour le Moi Multi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette idée, de ce fil directeur qui a soutenu cette belle entreprise de commissariat que tu as fait au cours des trois dernières années? Oui, en fait, mais moi, j'avais envie de travailler, au lieu de travailler un axe thématique qui dure un an seulement, mm-hmm. j'avais envie d'approfondir une idée. Et puis, je suis partie sur l'idée du réenchantement du monde dans le but de créer une espèce de rééquilibrer les choses parce que je trouvais qu'on vivait une période de... Cynique, mm-hmm. morose, mm-hmm. inquiétante. Puis, j'avais envie de créer un contrepoids à ça. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai développé la réflexion pour voir comment les arts multi, les arts électroniques répondaient et amenaient une lumière différente sur le monde qui nous entoure, puis changeaient un peu aussi notre manière de vivre ce monde-là. Je le voyais un peu comme un acte de résistance ou une espèce d'engagement presque politique, si on veut, même si on ne parle pas d'art nécessairement engagé directement, mais... Mm-hmm. Faire de l'art, c'est nécessairement un engagement. Oui, oui, puis d'explorer aussi ce pouvoir que l'art de transformer notre vision du monde. C'est ça. Puis dans chaque édition portait des sous-thèmes. Mm-hmm. Puis c'est ça. Cette dernière édition-là est beaucoup autour de l'idée de transformation, de changement, de mutation, d'évolution de notre monde, mais qui se traduisent par toutes sortes de formes de transformation de la matière, des espaces, des mouvements, en fait. Bon, ça prend toutes sortes de formes, mm-hmm. selon les œuvres. Il y a quand même 27 œuvres au programme, donc c'est ça. Ils ne parlent pas tous de la même manière de cette idée de transformation. Oui, mais c'est pour ça qu'on voulait... on a eu l'idée, tout ensemble, de discuter au cours de cette émission-ci, plus la question du corps, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de mouvement sans parler du corps. Corps qui occupe l'espace, qui évolue, qui bouge. C'est aussi dans la programmation, il y avait aussi beaucoup de propositions qui tournaient autour du corps, de la présence de ce corps-là ou de son évocation aussi. Donc voilà, c'est ce qui va animer notre émission aujourd'hui comme notre émission spéciale. Et bien sûr, chers auditeurs, avant de commencer nos rencontres, on a un concours pour vous. Et yay! Oui. Donc, un concours spécial, c'est sur notre page Facebook. On vous invite à participer dès maintenant. On vient de faire une publication. Dans le fond, à gagner, vous avez une paire de billets pour Super Super de Lino, dont qu'on va rencontrer dans quelques instants. Donc, jeudi 8 février à 19h. Et sinon, une paire de billets pour Con Gratia de Martin Messier et Anne Thériault, qui est en collaboration avec La Rotonde. Et c'est ce jeudi aussi à 20h. Donc, c'est très simple. Vous n'avez qu'à aller voir la publication Facebook sur notre page de l'aérospatiale et vous nous dites quel spectacle vous aimeriez voir et avec qui vous aimeriez y aller. C'est très simple. Et deux gagnants seront tirés au hasard parmi les participants. Le tirage se fait mercredi, donc demain, 7 février à midi. Alors, vous avez quand même un petit peu de temps si vous nous écoutez par hasard en balado-diffusion. Mmh. Voilà. Alors, on s'en va tout de suite en pause audio, quelques instants pour accueillir Lino dans un moment. Et c'est Simon Roy, qui est à la technique ici à la Ninkasi, qui a fait la sélection, bien sûr, en lien avec le mois multi. On s'en va écouter Lick and Chips, qu'on a pu entendre cette fin de semaine à la cuisine. Et c'est l'extrait Anatole Discolides. Thank you. Alors, on commence ce premier entretien mais avec Lynn No. Mais tout d'abord, Ariane, on se disait que tu as reçu beaucoup de propositions par rapport à la danse, je pense. Mais depuis les trois années, au long des trois années, j'ai reçu beaucoup de propositions autour du mouvement, de la danse dans les arts numériques et dans les arts médiatiques. Mais Lynn No, en fait, c'est une artiste qu'on suit depuis longtemps au Mouamitié. C'est ça, j'allais dire, une habituée. C'est une habituée du Mouamitié. Elle a été créateur associée chez Recto Verso. Puis avec cette nouvelle œuvre où elle met vraiment en scène deux danseuses, deux interprètes dans un environnement numérique. Donc, elle va pouvoir nous en parler davantage, mais c'était vraiment une proposition qui se prêtait bien à ce contexte-là, parce qu'on va le dire, cette semaine au Mouamitié, ce sont presque toutes des œuvres qui parlent justement du corps dans le corps en mouvement, évidemment, mais en lien avec les arts médiatiques, avec le numérique, quand le mouvement rencontre le numérique. Et donc, tout le volet se déploie au courant de la semaine. Donc, Lynn, avec Super Super, s'inscrit là-dedans. Bien, justement, parlons-en de cette œuvre Super Super, Lynn No, qui est quand même une œuvre, une toute nouvelle œuvre qui est présentée en primeur. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu, ce que tu prépares? Oui, je peux la décrire. Bonjour. Super Super, c'est un triptyque, premièrement, de trois études, je dirais, sur la recherche du nombre ultime. En fait, c'est Super Pauline et Super Céline qui, à travers cette recherche du nombre ultime, se trouvent à rentrer dans différents mouvements à travers différents chiffres, que ce soit le 8, le 10, le 1, le 2. Et elles recherchent vraiment ce chiffre qui va transcender tous les autres, mais qui va leur permettre aussi à elles de se transcender et de trouver leur propre unicité, dualité. Il y a tout un jeu autour de ça. Mais ce qui est le plus important, c'est que leur traversée se fait à travers une espèce de... Il y a un genre de truc de surveillance là-dedans où tout ce qu'elles font dans l'espace est rentré dans une base de données et recréer un autre univers. Donc, dans chaque étude, on se trouve à traverser différents types d'approches technologiques. On part vraiment d'une approche Super 8 des années 70 qui est très ludique et très, calquée sur les premières technologies caméra, mais... qui est une étude sur le 8 dans le corps, comment il se promène. Et en faisant ce mouvement, ça génère un autre espace sur une projection haute. Et puis ensuite de ça, on s'en va dans un autre univers. On est dans le jeu des années 80, le Nintendo 64. Donc, on a multiplié le 8 par 8. Et on a un autre espace de réalité augmentée qui s'appelle Super Réalité, qui, lui, rejoint un petit peu plus la technologie d'aujourd'hui, qui est cette notion de toujours rechercher la réalité augmentée de soi dans la projection. Mais cette réalité augmentée, en quelque part, dans la proposition que j'en fais, c'est une réalité, je dirais même pas augmentée, c'est une réalité de l'intériorité. Mais ça reste que ces trois super recherches sur un chiffre ultime. Il y a un punch dans tout ça, mais qui est vraiment une poésie en fin de compte. Donc, mais moi, je trouverais ça intéressant aussi que tu parles de ton travail, ta démarche, parce que c'est un projet synthèse un peu de ton travail, de ce que tu as parcouru jusqu'ici. Tu es une artiste qui vient de la danse, du mouvement. Comment tu travailles la danse en lien avec les arts numériques, comment tu intègres ça, comment tu en es venue, pourquoi ce projet-là est une synthèse, en fait, de ton travail? Je dirais parce que ça regroupe vraiment différents axes de mon travail. C'est un projet, c'est une des premières fois, en fait, où je travaille avec des interprètes qui ne sont pas moi. Mais on pourrait aller rejoindre un projet en 2004 qui s'appelait « Revenir en avant », où j'avais développé tout un système de codification du corps où j'assignais des phonèmes de la langue à différents mouvements dans le corps, sur les voyelles voisées, non voisées, comment le son se répercute dans le corps. Et donc, il y avait un lexique de 29 mouvements, mais qui avait vraiment une recherche très somatique, parce que mon approche est beaucoup plus proche de la somatique que de la danse, si je pourrais dire, dans mon background, d'où je viens, ma formation même. Et puis... Je dansais à cette époque, finalement, des essais philosophiques sur la recherche du corps dans l'espace et dans le temps. Donc, il y a une parenté là-dedans où je suis toujours en train un petit peu de créer des systèmes pour que les interprètes ou moi puissent avoir une partition. Je tiens beaucoup à cette notion de partition, de donner vraiment une feuille de route à mes interprètes sur laquelle elles puissent s'appuyer et vraiment passer à un autre niveau d'une façon de travailler le mouvement. On est beaucoup moins dans quelque chose d'empirique. L'empirique apparaît par le système. Et même dans le numérique, toute cette notion de code, il y a quelque chose qui finit par se marier dans ce travail-là. Puis il y a quelque chose aussi, je pense, du langage au travers de tout ça. Ça vient à générer un langage. Là, on parlait, oui, de ce projet-là où les mouvements étaient liés à des lettres, mais quand même, il y a tout un langage poétique, je pense aussi, que le corps génère, que ce soit dans ce projet-là ou dans le nouveau aussi. Je sens qu'il y a cet aspect-là. Est-ce que ça se peut? Oui. En fait, je cherche beaucoup à faire émerger la sensation dans le mot et le sens dans le geste. fait que je veux faire se marier cette notion du signifiant et du sens ensemble, que ce soit de l'objectivité, subjectivité. Il y a quelque chose où ces systèmes qu'on a tendance à appeler dual, pour moi, il y a une façon de les traiter dans laquelle ils finissent par se nourrir et on sort de cette dualité-là. Et dans ce travail-là, il y a un petit peu cette recherche-là où le mot va être là parce qu'il y a un poème qui est récité, mais par une partition vraiment vertigineuse pour les interprètes, qui sont des danseuses, qui vraiment travaillent une partition physique du poème. Mais pour moi, ça vient créer vraiment une physicalité au mot et vraiment un autre sens au geste. On est plus proche de la performance que de la partition dansée, un peu dans ce travail-là. Comment tu le verrais dans le rapport performatif, comment ça se transpose dans l'esthétique numérique, là, justement? Mm-hmm. Je dirais que c'est un de mes projets les plus écrits. Toute il y a un petit court-circuit. Toute l'intention, on n'est pas dans la performance où on est dans le geste répétitif qu'on fait plusieurs fois, longtemps. C'est très, très, très, très écrit, cette chose-là. Donc, je dirais que c'est très chorégraphié ou même très mise en scène, plus que dans un événement performatif. Okay, je comprends. Mais on est peut-être dans un autre genre de code où il y a certaines familles, si on prend du Jonathan Borow, même du travail de John Cage, où on est dans un type de travail de codification, on se rapproche de ces familles-là plus que dans quelque chose de très dans l'émotion ou dans du senti. Et puis, on parle d'espace numérique aussi, peut-être en guise de conclusion. Moi, ça m'a fasciné quand j'ai regardé le petit extrait qu'on voit sur le site web du Moi Multi. C'est de voir justement le corps qui est dans l'espace physique, mais comment il est transposé, parce que c'est pas nécessairement toujours un corps tel qu'on le voit. Là, c'est pas la réplique pareille. Des fois, il devient comme une sorte de jeu de voyons comment ça s'appelle, c'était ping, je pense, là, la petite ligne qui se... Enfin, ça devient des pixels, ça devient autre chose aussi, le corps, comment il se représente dans cet espace numérique. Dans ce projet-là, tous les mouvements dans l'espace des danseurs est suivi. Donc, et recréer un autre espace, une autre réalité. Donc, les interprètes, finalement, se trouvent à créer du visuel et créer du son en se déplaçant dans l'espace. Fait qu'on a vraiment travaillé avec des systèmes qui existent, mais en 3D, on a réussi à les travestir pour créer de la vidéo 3D. Donc, tout ce que les filles font sur scène en termes de déplacement finit par recréer un autre univers dans la projection vidéo, ce qui fait qu'à leur insu, elles se trouvent à générer du contenu, comme on en génère tous à notre insu. Oui. Quand on est devant notre ordinateur, elles recréent un monde qui, ma foi, elles s'en rendent plus ou moins compte, mais elles deviennent le jeu dans lequel elle joue. Oui. Eh bien, c'est une œuvre qui va être à découvrir sous peu, cette semaine. On parle du 7 et du... Non, du 8 et du 9, pardon, oui. Février. Et le 9 février, on a l'occasion de te rencontrer aussi après la représentation. Donc, ce sera une belle occasion, justement, de poursuivre la réflexion ou la discussion qu'on vient de mener ensemble, c'est certain. Donc, c'est au studio d'essai, jeudi à 19h et vendredi à 20h. Ça dure à peu près une cinquantaine de minutes. Eh bien, Lindo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui. On s'en va en pause audio. On s'en va écouter un duo qui sera à la soirée Indomptée 3 ce samedi à la salle multi. C'est Xeno et Oaklander. On s'en va écouter Sheen. Alors, nous avons avec nous Sarah Boot, Léa Ratich-Légaré, Ariane Voineau et toujours Ariane Plante. Mm-hmm. Alors, bonsoir. Allô. Donc, nos trois invités font partie du collectif LAS, qui est un collectif composé d'une artiste en art visuel et de deux artistes de la danse. Moi, j'aurais le goût de vous demander d'abord comment vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce qui vous a amené à collaborer ensemble, les filles? C'est moi qui fais? Oui, Sarah Booth. On va y aller pour Sarah. Excellent. Donc, j'ai demandé à Ariane et Léa de travailler avec moi pour une expo solo. Que j'ai créé en 2016. Oui, nous avons eu une entrevue à l'aérospatiale en 2016 à propos de ton entrevue. C'était au Cercle. Exactement, exactement. Puis, ben, on est tombé en amour avec le processus de travailler ensemble. Évidemment, je ne suis pas une chorégraphe. Ça a été de collaborer en parlant de texture, un vocabulaire qui était plus visuel. On a eu un feeling quand on a fait l'expo au Cercle. Que c'était pas terminé, puis ils ont fait une petite performance à travers l'exposition, puis on l'a senti qu'il fallait continuer plus loin. Donc, on a créé un collectif qui s'appelle LAS par la suite. Je veux juste te demander, Sarah, peut-être de parler un peu de ton travail d'artiste visuel, qui est quand même pas en danse, mais il y a quelque chose de très près du mouvement, et tellement... En fait, le mariage est naturel. Peut-être t'en parles un peu pour qu'on le visualise. Bien, avec plaisir. Bien, je vais essayer. depuis 5-6 ans, j'utilise beaucoup la gravure sur bois, l'impression, la trace, toujours avec le mouvement. C'est vraiment sur la présence du corps, des fois flou, des fois vraiment figuratif. J'utilise la vidéo, le dessin animé, la gravure, l'impression, l'installation, les cinémagraphes, donc c'est un peu un tout, surtout sur la mémoire aussi du corps. Donc, évidemment, ça fitait vraiment que les filles travaillent avec moi. Ariane Voineau et Léa Ratich, vous êtes des artistes de la danse et vous touchez également à la chorégraphie, c'est ça? Donc, vous êtes dans une espèce de processus de création au sein du collectif? Oui, en fait, c'est ça, notre collectif. On avait envie d'agir les trois au même titre. Donc, on donne autant d'idées à Sarah que Sarah nous en donne. Donc, c'est vraiment des allers-retours, bien sûr, sans oublier nos super concepteurs. Puis, on est vraiment dans un dialogue. Et ce qui fait que en créant ce show Onde, on s'est dit qu'est-ce qu'on avait envie... Qu'est-ce que Sarah avait envie de faire ultimement avec ses œuvres? Donc, c'est de les rendre vivantes. Donc là, on s'est dit, ben, allons-y. Et comment on peut créer, donc, à partir de son œuvre, de laisser parler des corps, puis essayer de créer un tout où on ne sente pas trop, en fait, de différence entre l'art visuel, la danse, les corps qui apparaissent, disparaissent. Pareil avec la musique, la vidéo. Donc, une question d'un peu d'harmoniser les médiums, si on veut, harmoniser la danse, le dessin. Oui, Sarah? Comme disait l'autre fois Ariane, qu'il n'y ait pas de frontières, que les frontières soient poreuses, puis qu'on fasse un langage multi. Mais alors, moi, je trouve dans cette œuvre-là en particulier, le corps devient l'extension du matériau utilisé par Sarah et l'incarnation de ces personnages, entre guillemets, là, de ces œuvres visuelles. Donc, c'est vraiment... La peau devient une extension du papier, le mouvement des danseuses devient, c'est ça, l'extension des images créées par les œuvres de Sarah. Donc, on est vraiment dans une rencontre des langages, mais on n'est pas dans la numérique super high-tech. On est vraiment dans une approche très près... de la matière, le corps matière. En tout cas, c'est ce que je trouve intéressant de cette œuvre-là aussi, multi, donc un nouveau langage. Mais... Donc, le rapport entre la peau et le papier est très exploré dans ce collectif-là. Sarah Booth nous parlait de texture tout à l'heure. Vous, les artistes de la danse, qu'est-ce que ça vous évoque les textures pour le médium qui est le corps? Ben en fait, on a créé une gestuelle en fait à partir de ça. On voulait pas absolument danser pour danser. On essayait de voir en fait qu'est-ce que le papier. C'est ça. Qu'est-ce que ça nous fait quand il est fripé ou qu'on le déchire ou qu'on l'arrache? Donc, qu'on c'est vraiment une question d'effet et de réaction? Oui. Ouais, tout à fait. Donc, on va partir pour la pause publicitaire et on va continuer cette super belle conversation après la pause. C-K-R-L. Je puis être musique, bruit,

présenter au Mois Multi cette semaine. Donc, à la rencontre, hein, on parle vraiment d'une rencontre entre les arts visuels. Sarah, tu travailles le dessin, la gravure sur bois. J'aimerais ça que tu nous parles de cette comment s'articule cette rencontre entre la gravure. En lisant la description du spectacle, on peut voir que tu nous prépares de la gravure, de l'impression en direct sur du papier grand format, si j'ai bien deviné. Oui, on ne veut pas voler trop de punch, mais oui, il va avoir j'ai quand même deviné en lisant le descriptif, donc ce n'est pas vraiment un punch. Ouais. Parce qu'on parle d'un grand format, c'est un rapport au corps qui est particulier, on s'entend. Oui, absolument. J'utilise beaucoup la dimension du corps. Mm-hmm. Donc, on dirait que c'est important que ce soit quand je dessine, quand je grave... Quand j'imprime, que je sois quasiment sur l'œuvre de dimension humaine. Donc, c'est pas parce que j'ai une grandeur, mais dimension humaine, oui. Et dans le cadre de l'interprétation via le médium du corps, comment s'articule ce rapport qui est quasiment un rapport de vis-à-vis avec les surfaces papier, si on veut? Bien, c'est ça, exactement. Quand on était donc en création, à un moment donné, on s'est dit, mais... À quel point on pourrait être utile pour Sarah, en fait, physiquement, pour qu'elle puisse faire des impressions grand format. Puis il y a une des réponses qui a été d'être ancrée, qu'elle nous ancre. Donc, ça, mm-hmm. ça a amené aussi tout un aspect dans le corps de s'appuyer, d'aller dans la matière, etc. Puis, en fait, c'est aussi qu'il y a un aspect quand même installatif qui, mm-hmm. qui est important pour nous, puis dans cette pièce. Fait que ça a été... On a différentes stations dans un univers jonché de papier. Puis là, on se disait qu'est-ce qui pourrait se passer à chaque station avec le papier, l'œuvre de Sarah, puis nos corps. Donc, cette rencontre, cette fusion. Et puis, il y a la question de la trace, de la mémoire du corps dont tu parlais tout à l'heure, Sarah Bout. Donc, on ne l'a pas dit encore, mais tu l'évoquais, Ariane, il va y avoir une installation qui va demeurer pendant une journée de cette performance-là. Donc, quelle était l'importance de laisser des traces et comment vous avez réfléchi ces traces-là? Mais en fait, ce qui est intéressant à la base et ce qu'on a voulu faire, c'est on a gardé absolument toutes les impressions et tout le papier avec lequel on a fait de la recherche. Mm-hmm. Donc, on s'est ramassé au début avec une pile de papier. Ensuite, ça a gonflé. Donc, il y a une accumulation. Il y a une accumulation de papier. Donc, comme il y a énormément de papier, ça prend beaucoup d'espace. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce que ça fait si on en monte dans les airs? Qu'est-ce que ça fait si on laisse tout... dans l'espace, qu'est-ce que ça fait si on joue dedans, si on imprime, si on projette dessus. Donc, c'est un peu... je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, là, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de couches puis d'aspects installatifs et de corps, mais... Ben, en fait, même ça va plus loin. En fait, j'ai apporté des impressions qui mm-hmm. étaient de 2014, 2015, mm-hmm. 2016. Mm-hmm. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai apporté des œuvres d'il y a 3-4 ans. Donc, il y a aussi la trace de même l'atelier. Donc, la mémoire de même. Des fois, je découvrais des œuvres qui ont jauni, qui sont déchirées. Donc, le passage du temps aussi. Oui, exactement. Et de la série aussi, dans l'impression, qui est très importante. La répétition. La répétition mm-hmm. Du geste qui est présent, qui est vraiment là aussi. Ouais. Donc, cette répétition-là du geste va aussi prendre part dans l'interprétation par les artistes de la danse, Ariane et Léa? Oui, oui, tout à fait. Bien donc, répondu. En fait, aussi, on avait envie, en laissant l'installation, on s'est dit, l'installation, elle existe en elle-même, mais ce qu'on trouvait le plus intéressant, c'était qu'est-ce que ça laisse justement après ce passage-là mm-hmm. de cette rencontre entre Sarah et nous et donc et nos super collaborateurs. Et puis, qu'est-ce qui reste de ça? Donc, c'est on peut encore sentir des traces, c'est ça, de nous, mm-hmm. de ce qui vient de se passer, de la chorégraphie, de la performance qui s'est passée, donc ça, qui se passera samedi, mais de ce qu'il y a eu aussi en amont, même toute la recherche, puis mais de façon encore plus lointaine, toutes les dans la genèse, si on veut, de ce projet-là. Et puis, c'est que ce projet s'articule aussi autour du processus de création. Oui. Absolument. Donc, d'avoir de ces traces du processus de création qui viennent s'empiler, si on veut, dans l'installation. Et c'est vraiment un peu le centre des préoccupations, si on veut, de ce projet-là, le processus de création et l'atelier de l'artiste aussi. Mm-hmm. Il y a quelque chose de la métaphore de l'atelier de l'artiste. Comment un corps dansant interprète un atelier d'artiste qui travaille en gravure sur bois, qui travaille sur papier? Bien, en fait, je pense qu'on l'interprète pas, on le devient. Donc, c'est comme si, dans le processus, forcément, on s'est questionné sur, comme on disait tantôt, qu'est-ce qui pourrait faire que Sarah puisse nous faire de... Bien, en fait, que son œuvre devienne vivante et donc... comme se réalise à travers nous, corps finalement mouvant dans l'espace. Donc. Mais en fait, vous êtes œuvre, mais vous êtes papier aussi, vous êtes graveur. Vous êtes graveur, vous êtes vivante, vous êtes. On est humaine des fois, vous êtes. Papier. Vous êtes. Tout. Vous êtes tout. Donc, c'est sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Sarah Booth, Léa Ratic et Ariane Voineau, d'être venues nous parler de ce projet Onde. Ça va être ce samedi, le 10 février, dans le cadre du mois multi, et l'installation va être visible également le lendemain, le dimanche, jusqu'à 17h. Et on vous laisse sur un extrait audio du spectacle Con Gratia, dont on vous parle après cette pause. Merci. Alors, on poursuit cette émission de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. La pièce audio que vous venez d'entendre, eh bien, c'est un extrait de Con Gratia, ce spectacle qui aura lieu ces 7 et 8 février à la salle Multi. Un spectacle quand même particulier, Ariane, hein, parce que tu me disais que dans le milieu de la danse, il y a une espèce de flou, hein, côté... comment je pourrais dire ça? On en avait discuté l'autre jour, qu'il y a une transformation, une mutation dans les rapports au mouvement, je pense. Bien, en fait, disons qu'on, dans toutes les formes d'art, dans toutes les disciplines, on observe beaucoup cette... en fait, une tendance à ce que, justement, on le disait, les frontières sont poreuses, les frontières disciplinaires, il y a une intégration de nouvelles formes, de nouveaux langages, des technologies. Et j'avais cette discussion-là avec Steve Huot, la Rotonde. Allô? qui, justement, disait qu'on l'observait particulièrement en danse. On trouvait que les propositions étaient de plus en plus... avait de plus en plus cette tangente multi. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant. Puis, on co-programme Con Gratia de Martin Messier et Anne Thériault. Et Martin Messier vient des arts numériques. C'est un habitué du mois multi. Les gens qui viennent au mois multi ont souvent vu ses œuvres qu'il fait comme artiste numérique. Mais là, il vient avec une proposition où il a travaillé pour la première fois, si je ne m'abuse. Non, c'est pas la première fois. Anne, elle va pouvoir peut-être nous indiquer un peu là-dessus, mais il travaille avec Anne Thériault, une proposition où il y a le corps en mouvement sur scène qui rencontre son travail avec du numérique, les robots et tout ça. Donc, c'était autour de cette question-là. J'ai de la misère. Si je peux peut-être commencer avec Steve. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais justement ce partenariat-là avec la Rotonde, justement, entre ces arts multidisciplinaires et la danse. Comment on le voit avec ce projet-là, Conniracia? Oui, bien justement, comme disait Ariane, c'est dans l'ADN de la Rotonde de collaborer avec différents partenaires, d'autres diffuseurs des salles de spectacle, des festivals à Québec. Donc, plusieurs des spectacles de la Rotonde sont présentés en co-présentation ou co-présentés ou en collaboration. Bon. Et avec le mot multi, ça fait quelques fois, déjà quelques années, qu'on présente des spectacles ensemble. Et là, dans le cas du spectacle d'Anterio et de Martin Messier, moi, je l'ai vu dans le cadre du mot multi. Ça m'avait beaucoup impressionné. Oui, c'est vrai, pardon. Moi aussi, je l'ai vu là. Ça vient de me. Oui, c'est ça. On l'a vu ensemble au FTA. Ouais. Et j'avais vraiment été transporté par la proposition. J'avais vraiment adoré, vraiment beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, comme disait Ariane, ben là, je me suis dit, justement, cette proposition-là est très audacieuse par rapport à l'angle de la danse contemporaine. Mm-hmm. Peut-être que les artistes de la danse, justement, ont une avance, là, peut-être même sur le public, mm-hmm. à l'effet que c'est pas forcément ce qu'on s'attend de voir comme proposition quand on va à la danse. Donc, c'est une façon un peu nouvelle, renouvelée ou innovante là, de voir le rapport au corps, au geste, à l'espace, au temps. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Mais je trouvais que de le présenter dans un contexte d'art multi, comme le mot multi, justement, ça ajoutait beaucoup là, à l'expérience. Ça donnait un prétexte ou ça donnait une indication au public qui normalement vient de voir de la danse. Bien, là, dans ce cas-ci, si c'est le public de la Rotonde qui ose aller vers le mot multi, bien, justement, il va avoir une indication que ben, c'est peut-être spécial, c'est peut-être particulier, peut-être qu'on met pas les mêmes lunettes, on n'a pas le même regard peut-être pour rencontrer l'œuvre, puis c'est peut-être justement parmi les conditions gagnantes là, pour. C'est une belle manière en tout cas de sortir de sa zone de confort pour les habitués de la Rotonde. Tout à fait, c'est sûr. Si zone de confort il y a. Oui, c'est vrai ça, j'avoue. Ça fait quelques spectacles que je vois, puis effectivement, on va. C'est quand même le fun, cette espèce de ce côté tentaculaire de la Rotonde qui va un peu dans toutes les directions aussi. Bien, c'est justement ce qu'on essaie de proposer à travers les 17 spectacles de la saison actuelle, par exemple. C'est une diversité, une panoplie d'approches ou de variétés de. Il essaie d'illustrer la vitalité, le dynamisme et la diversité de la création contemporaine en danse. Tous les visages que ça peut prendre. Parce que plutôt que d'avoir un parti pris sur une esthétique ou une approche en particulier, c'est d'être un témoin de toute la diversité et de la créativité en danse d'aujourd'hui. Oui. Puis aussi témoigner des faits marquants de l'actualité de la danse. Oui. Anterio, on va parler de cette très belle création, Conniracia, qui est une création de 2016 avec Martin Messier, qu'on disait, mais on le dit, c'est pas la première fois que vous avez collaboré. Qu'est-ce qui a initié cette rencontre entre vous deux? En fait, on s'est rencontrés, ça fait environ 15 ans qu'on se connaît. Donc, on s'est rencontrés dans nos jeunes années scolaires. Et en fait, on s'est suivis. Et on a fait une première co-création, je dirais vers 2008-2009, qui s'est intitulée « Derrière le rideau, il fait peut-être nuit ». Et suite à cette courte œuvre, on a décidé de récidiver en 2011-12 pour Conniracia. Donc, Martin m'a approché parce qu'il avait une idée, un concept. Il m'a dit « Ah, ça te tente-tu qu'on fasse ça ensemble, qu'on partage encore toutes les décisions artistiques et qu'on construise cette œuvre-là? » Oui. Et tout à l'heure, avec le collectif LAS, on parlait de matière, hein, de papier. Et là, on est carrément dans l'objet ici, parce qu'on parle du monde matériel. On parle même ici dans la description de l'agonie du monde matériel. Enfin, peux-tu nous glisser quelques mots sur l'essence de ce projet-là, Conniracia? Ben oui, en fait, l'hypothèse de départ, c'était de faire un show, de créer une œuvre en détruisant des objets. Et ça, c'était la prémisse. Alors, on était vraiment enthousiastes. On s'est dit, OK, on détruit tout. Tout ce qu'on peut trouver, même de matériel et même d'immatériel. Tu sais, comment qu'on brise une voix? Comment qu'on... Tu sais, on s'est mis à flyer assez haut. Et on s'est mis à s'acheter des massues, des marteaux, puis à commencer à détruire plein d'objets, plein de matières, plein de textures. Et on a comme tranquillement... essayer de tout détruire pour se rendre compte assez rapidement que c'est pas nécessairement ça qui nous intéressait. Mm-hmm. En fait, que détruire, c'était super libérateur, c'est-à-dire de faire le geste, de libérer l'énergie qu'on a. Tu sais, parfois, quand on est en colère ou qu'on est heureuse, on a vraiment des gestes physiques très qui se déploient énormément. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup les objets, qu'on aimait beaucoup certains objets et qu'il y avait des objets que c'était pas si le fun, finalement, détruire. Alors, on a détourné notre attention vers d'autres phénomènes pour nous amener quand même à parler de la démolition, de la destruction et de l'attachement à des choses qu'on a aussi par rapport à la vie, tout ça. Donc, on est allé vers des concepts de suggestion, donc de pas toujours détruire, parce que pour nous, ça faisait comme sens et pas de sens aussi, parce que c'est pas tout blanc, pas tout noir. Tu sais, il y a plusieurs mm-hmm. couches dans l'idée de la destruction. Oui, effectivement. Puis je trouve ça intéressant parce que oui, il y a cette idée de relâcher un peu toute cette énergie. Ça, c'est beaucoup quand on parle de destruction associée à la colère. Mais finalement, c'est ça. Il y a des nuances, je pense, très très subtiles au travers de ce spectacle-là aussi dans la destruction. Comment vous l'abordez? Oui, en fait, pour nous, tu sais, au niveau de l'humain, au niveau du corps, on s'est beaucoup intéressé au fait de justement, lorsqu'on frappe, mais qu'on n'est pas nourri par l'intention psychologique, justement, la violence ou la colère, qu'est-ce que ça amène justement? Qu'est-ce qui reste du geste de fracasser, de frapper, de faire tomber les choses, tu sais? Donc, de créer des fracas. Qu'est-ce que ça fait au corps? Quelle musique ça fait? Et qu'est-ce que ça nous fait aussi? Donc, et on est allé aussi dans du plaisir parce que c'est tellement plaisant de juste, admettons, je sais pas, frapper sur une boîte qui ne va pas se briser, mais de libérer cette énergie-là et d'aller dans le plaisir de ça. Et aussi, quand on regarde encore une fois la vidéo de présentation, moi, j'ai remarqué, il y a beaucoup de jeux d'ombre, de lumière. On joue beaucoup avec la lumière. Des fois, elle est là, elle est colorée. Des fois, on est avec une lampe de poche. On révèle pas tout, justement, dans l'idée de suggestion tout à l'heure. Il y a ça aussi, ces jeux de lumière-là. Moi, ça m'a accroché. Oui, bien, en fait, Martin et moi, on a vraiment un amour pour les artifices du spectacle. Donc, le son, la lumière, l'espace, les objets étranges confectionnés. Martin, c'est un spécialiste là-dedans. Et dans le fond, Congrazia, c'est comme un peu une orchestration scénique de tous ces artifices-là de façon très précise, très en dentelle. Parce que, oui, c'est parce que ça nous intéressait aussi d'aller là-dedans, puis d'aller physiquement là-dedans, comment le corps s'investit en mineur, ou parfois il disparaît dans l'espace, ou parfois il apparaît par la lumière, par du son. Mm-hmm. Et je voulais terminer peut-être avec ce titre que je trouvais très beau, un titre, Con Gracia, ça veut dire avec grâce. Oui. D'où ça vient et comment ça se manifeste peut-être, ce titre-là? C'est Martin qui est arrivé avec cette idée-là et c'était vraiment, il a pris ça à partir, tu sais, les notations musicales. Mm-hmm. Parfois, on peut lire comment on joue au piano, comme doucement. Oui. Donc, Con Gracia, c'est jouer avec grâce. Et pour nous, c'était vraiment, oui, comment parler de la destruction, de la démolition avec grâce? Comment parler de ce paradoxe-là et comment il peut y avoir de la douceur puis de la délicatesse au travers de ça? T'sais, au travers d'une œuvre qui, oui, qui frappe, qui fracasse, mais aussi qui peut être très douce aussi, puis très résiliente. Oui. Donc, on va être vraiment dans les contrastes, je pense, au cours de ce spectacle-là. On va vivre aussi très physiquement, je pense, comme spectateur, ce qui va se passer sur scène et l'attachement aussi vis-à-vis des objets. Enfin, ça va peut-être certainement nous questionner par rapport à notre rapport aux objets. Eh bien, Anne-Thériault, merci beaucoup. Ariane, on te remercie d'avoir été avec nous aussi pendant ces trois blocs. Et Stuart, merci. Aussi, merci de la rotonde. Alors, on va, Jean-Tiane, sauter tranquillement vers l'agenda de la semaine parce que c'est déjà le temps de conclure cette émission. Hein? l'émission tire à sa fin. Donc, on vous rappelle que Con Gratia de Martin Tessier et Anne Thériault va être présentée à la salle multi à 20h ce mercredi, donc demain, et jeudi. Jeudi et vendredi, ça va être super de Lino qui va être au studio d'essai. Donc, jeudi, c'est à 19h et vendredi à 20h. Et samedi, ça va être la soirée Indomptée 3. Avec Alexandre Saint-Onge, Pascal Dufault et Sarah Wendt, le collectif LAS qu'on a passé en entrevue tout à l'heure, et le duo musical américain Xeno et Oaklander à la salle multi. Donc, à partir de 18h30, ça va être une soirée endiablée pour cette troisième édition de la soirée Indomptée. Donc, vous pouvez vous informer et acheter les billets sur le site du Mois Multi, moismulti.org, ou sur lepointdevente.com. Jeudi, n'oubliez pas, ça va être l'ouverture de l'exposition d'Alberto Giacometti au MNBAC, au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est une rétrospective d'un des artistes les plus marquants du 20e siècle. Il est assez attendu ici à Québec. Et ce jeudi, ça va être également l'occasion de voir, la dernière occasion de voir Christian Bugeaud en performance au lieu. En formule 5 à 7, donc dans le cadre de sa résidence artistique, Christian Bugeaud va présenter une performance lors de cette soirée. Donc, on va pouvoir en parler la semaine prochaine, alors que je recevrai Christian Bugeaud en entrevue. Samedi, ça va être le lancement de la revue Inter au Hall de Méduse en formule 5 à 7 également. Et dimanche, vous aurez l'occasion de rencontrer Claude-Olivier Gay à Materia entre 13 et 15 heures pour découvrir son travail dont on a parlé à l'émission avec... c'était le coup de cœur d'Anne-Sophie Homer la semaine dernière, donc son exposition « Holos ». Et à 15 heures, c'est le vernissage « Salle de brouillage » de Julien Classe à Regard dans le cadre du Mois Multi également. Il va y avoir une performance de Robert Dimitri Gosselin Monasevitch dans la vitrine des membres. Et c'est la dernière semaine pour voir « L'air du temps » d'Héloïse Plamondon-Pagé à Engramme, « Fumée et brouillard » de Jean-François Côté à la bande vidéo, « Le travailleur temporaire et la machine enchantée » d'Antoine Nessy, ainsi que « Ça ne peut pas durer toujours » de Magali Babin à l'œil de poisson. Et c'est également la dernière semaine pour découvrir Le robot nourricier de Simon Laroche et David Zanto, une œuvre intitulée Orchestrer la perte, Perpetual Demotion, dans le hall de Méduse. Donc, Audrey? Oui, alors on termine cette émission. Je remercie bien sûr tous nos invités qui sont passés à ce micro pour cette édition spéciale du Mois Multi. Merci à Simon Roy, à la technique, ici à la Ninkasi, et à Jacques Gignac qui était en studio à CKRL. On vous rappelle notre concours. Hein, allez sur notre page Facebook. Il y a une paire de billets pour Con Gratia et une autre paire pour Super Super. Vous trouverez tous les détails sur notre Facebook. Alors voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici à la Ninkasi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous remercie, chers auditeurs. Restez à l'écoute, c'est Pierre Blais et toute son équipe de Situation Critique qui vous jase de cinéma à l'émission Situation Critique. Il y a une projection ici à la Ninkasi, 20h, Gare des Tucs, pour ceux que ça intéresse. Et nous, on vous dit à mardi prochain, 17h30. À l'occasion du Mois Multi, CKRL vous a présenté le magazine en art visuel, l'aérospatial, en direct de la Ninkasi Saint-Jean, lieu de divertissement pour adultes. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. 4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube. La Maison des femmes de Québec. Salle Albert Rousseau. L'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. On est en 1997, c'est le début de l'université, et je me retrouve devant un babillard à essayer de me repérer dans l'université et de trouver le local où il faut aller.